Provence, si vous prenez la 11 et que vous allez en direction de la Bretagne, à un moment donné, vous allez passer au Mans. On est un peu connu parce qu'on a une célèbre course qui s'appelle les 24 heures du Mans. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, je m'appelle effectivement Frédéric Manceau. Et donc, je suis marié, j'ai 3 enfants et je travaille à plein temps pour cette mission Portes Ouvertes depuis maintenant pratiquement 5 ans. Avant, j'ai fait autre chose. Mais depuis 5 ans, voilà, je suis à plein temps pour parler de nos frères et sœurs qui sont persécutés partout dans le monde. Vous savez que malheureusement, il y en a qui n'aiment pas les chrétiens. Pourquoi ils n'aiment pas les chrétiens, à votre avis ? Est-ce que c'est quelque chose de charnel, c'est quelque chose d'humain, vous pensez ? Vous savez, la Bible, elle dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas à lutter contre des êtres humains, contre des gens qui sont faits comme vous et moi. Mais on a à lutter contre quoi ? Des esprits mauvais, des démons, esprits diaboliques. Et en fait, derrière toutes ces persécutions, il faut voir plus loin. Nous, effectivement, on voit ce qui est visible. Mais la Bible nous demande de voir plus loin que ça, ce qui est derrière. Et nous, en tant que chrétiens, on sait que Dieu existe, mais on sait aussi que le diable existe et ses démons. Et ils sont bien actifs partout dans le monde. Ils utilisent des idéologies, ils utilisent des religions, ils utilisent des philosophies, ils utilisent toutes sortes de choses comme ça qui va leur permettre, on va dire, de déclencher de la haine dans le cœur des hommes et des femmes contre les chrétiens. Pourquoi les chrétiens ? Parce que nous appartenons à Christ. Le diable s'attaque à tout ce qui appartient à Christ. D'accord ? La raison de la persécution numéro 1, c'est ça. C'est, on va dire, l'œuvre du diable contre l'œuvre du Christ. Ça fait un peu Star Wars, mais ne vous inquiétez pas, ils se sont inspirés. Ce sont les puissances du bien contre les puissances du mal. Alors, Portes Ouvertes, vous connaissez. Je sais que notre frère parle beaucoup de Portes Ouvertes et je l'en remercie parce que c'est vraiment une grâce d'avoir quelqu'un dans les églises comme ça qui peut être le relais entre nous, la mission, et vous, l'église. Portes Ouvertes est née il y a très longtemps, c'était en 1955. Aucun d'entre vous n'était né, même pas moi. C'est rassurant, ça veut dire qu'on n'est pas encore trop âgé. Et donc, le fondateur de la mission, c'est ce monsieur. On l'appelle Frère André. Il n'est pas né Frère André, hein. Il est devenu Frère André. Au départ, il s'appelle Anne van der Biel, c'est un Hollandais. Et ce monsieur, en 1955, il a à cœur les chrétiens persécutés et Dieu l'interpelle par ce verset que vous voyez. Un petit test d'histoire. En 1955, il y avait une idéologie très répandue dans le monde qui disait « Dieu n'existe pas ». Qu'est-ce que c'est ? Oui, vous devez savoir normalement. Le communisme, effectivement. Le communisme. Il y en a qui sont contents, ils disent « Ouais, j'ai gagné ». Effectivement, le communisme dit « Dieu n'existe pas ». Après, je ne vous dis pas que tous les communistes ne croient pas en Dieu. Lorsqu'on fait notre présentation annuelle à l'Assemblée nationale, ici à Paris, nous, Portes Ouvertes, tous les ans, nous avons un député communiste qui vient et qui dit « Ouais, vous avez raison, ouais, il faut défendre les chrétiens persécutés ». Donc vous voyez, on peut être communiste finalement et ne pas haïr les chrétiens. Je ne sais pas si cet homme est croyant, mais en tout cas, il défend les chrétiens persécutés. Et donc, cette idéologie est très répandue à l'époque. Parce que l'URSS, on ne dit pas la Russie à l'époque, on dit l'URSS, l'Union soviétique, règne sur une grande partie du monde suite à la Deuxième Guerre mondiale. Il règne sur toute l'Europe, jusqu'en Allemagne, jusqu'à Berlin, puisque l'Allemagne est coupée en deux à l'époque. Et cette idéologie qui dit Dieu n'existe pas, ça veut dire les chrétiens, vous êtes fous de croire dans un Dieu qui n'existe pas. vous méritez d'être arrêté, vous méritez d'aller dans les camps, vous méritez d'être torturé si vous ne comprenez pas ça. Et donc beaucoup d'exactions ont été commises contre les chrétiens pendant cette période. C'est l'époque des goulags, c'est l'époque de la torture avec Ceausescu, tristement célèbre en Roumanie. Et donc frère André a commencé dans ce contexte et très rapidement Dieu l'a béni, au-delà de toute espérance. Vous savez que sa première mission, ça a été d'apporter des Bibles en cachette, en contrebande, jusque dans les pays de l'Est, là où elle était totalement interdite. Alors il en a caché dans sa voiture. Sa voiture, c'était une coccinelle. Vous voyez, la Volkswagen, c'est plus à la mode, quoique on l'a refait un peu, mais c'est plus la même. Cette voiture, elle est petite, on ne peut pas cacher beaucoup de Bibles. Et puis, vous savez, frère André, il a réfléchi, il s'est dit, en roulant, au volant, j'ai caché ces Bibles, mais les douaniers, parce qu'à l'époque, il y a des douaniers, c'est pas comme aujourd'hui, il y a des gardes frontières, il y a des gens qui surveillent. Il s'est dit, ces gens-là, ils connaissent leur métier. Et certainement, ils vont trouver mes Bibles. Et certainement, je serai arrêté, et je devrai repartir chez moi, et ces gens n'auront jamais mes Bibles. Alors, il a dit, il n'y a qu'une solution, c'est de prier Dieu. Et là, il a prié une prière qui est devenue très commune chez nous à Portes Ouvertes, c'est « Seigneur, toi qui as ouvert les yeux des aveugles, maintenant, je te demande d'aveugler ceux qui voient. » Est-ce que vous pensez que les douaniers ont trouvé les Bibles? Ben non, sinon je ne vous raconterai pas l'histoire. Les douaniers n'ont jamais trouvé les Bibles. Et pas seulement cette fois-ci, mais de nombreuses fois. Moi, je l'ai expérimenté. Aujourd'hui, dans les aéroports, on passe des Bibles. Pourtant, aujourd'hui, il y a des machines très, très, très perfectionnées. Ce n'est pas que la machine, elle n'arrive pas à voir les Bibles dans ma valise. Ce n'est pas que le douanier n'est pas capable de voir sur son écran. Non, c'est que Dieu l'aveugle à ce moment-là. Il y a son téléphone qui sonne. Il y a son collègue qui l'appelle. Il y a la machine qui tombe en panne. En fait, il y a quelque chose qui se passe au moment où les Bibles passent. Et en général, on passe tranquillement, sans faire de bruit. Hein. On ne dit pas, oh, t'as pas bien contrôlé. Non, non, on ne demande rien. Et Dieu garde sa parole. C'est un Dieu de miracles. On va regarder une vidéo, une première vidéo. Vous allez voir ici les 64 ans qui nous séparent de 1955, donc de l'appel de frère André. La mission s'est beaucoup étendue et vous allez voir ça au travers de cette vidéo. Portes Ouvertes a démarré en 1955, quand frère André, un jeune chrétien, a commencé à passer des Bibles en contrebande vers l'Europe de l'Est. Pour frère André, toute personne devrait avoir la liberté de connaître Jésus, où qu'elle vive. God spoke to me again through his word. Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there. Well, in that one city, okay. But after that, I had no money, no contact, no language. But something was a burning in my heart. And I said, Lord, yes, but how? Depuis le premier voyage de frère André derrière le rideau de fer, Portes Ouvertes s'est développée dans plus de 60 pays, apportant des Bibles, des formations, priant et soutenant matériellement l'Église persécutée. En 60 ans, nous avons accompli de nombreux projets, grands et petits. Et à chaque fois, nous avons vu Dieu à l'œuvre. En 1981, nous avons réussi à livrer en pleine nuit 1 million de Bibles sur une plage de Chine. Quelques années après, en 1989, nous avons transporté 1 million de Nouveaux Testaments en Russie. Plus récemment, nous avons aidé des milliers de réfugiés chrétiens déplacés par les conflits en Irak et en Syrie, et organiser des campagnes de prière et de plaidoyer pour chacun de ces pays. Nous sommes également aux côtés des chrétiens du nord du Nigeria, où le groupe extrémiste Boko Haram attaque les églises. Aujourd'hui, nous sommes présents dans ces pays et dans bien d'autres encore. Dans le monde, 245 millions de chrétiens sont persécutés, discriminés, voire assassinés pour leur foi en Jésus. C'est une réalité quotidienne pour nos frères et sœurs dans de nombreux pays. Comme nous le montre l'actualité récente, la situation des chrétiens persécutés ne fait qu'empirer. Portes Ouvertes continue à soutenir l'Église persécutée dans les pays les plus hostiles à l'Évangile. Nous sommes sur le front, avec ceux qui souffrent pour leur foi, afin d'affermir l'Église dans le monde entier. Chaque année, nous livrons plus de 2 millions de Bibles et de littérature chrétienne. Nous aidons plus de 200 000 chrétiens dans le besoin. Nous apportons une formation biblique à plus de 250 000 chrétiens. Nous rendons publiques les informations et témoignages de l'Église persécutée pour que le message de la bonne nouvelle de Christ persiste dans les régions les plus fermées et les plus hostiles à l'Évangile. I think we in the West, now this is a personal confession, I think we are cowards. We want a personal profit come first. And if that is at risk, we don't do anything. We ought to become people of guts and courage and strong convictions. And don't count our lives dear unto ourselves if only we can fulfill the high calling of God on our lives. That's what I'm up. That's what I want the young people to do. Tenons-nous aux côtés de l'Église persécutée. André a 91 ans maintenant, donc il n'est plus actif dans la mission, mais il garde un œil sur la mission, bien sûr. Dans le monde, nous avons deux types de persécutions. Une première persécution qu'on appelle étau, c'est une persécution d'oppression. C'est-à-dire qu'on fait pression sur les gens pour qu'ils abandonnent leur foi. Pourquoi on fait pression sur eux? Et qui sont ces personnes? D'abord, qui sont ces personnes? Ce sont des gens qui avaient déjà une religion et qui sont devenus chrétiens. La plupart du temps, ils sont d'arrière-plan musulmans, d'arrière-plan hindous, comme on va le voir tout à l'heure, voire d'arrière-plan bouddhistes. Et donc, ils sont persécutés parce qu'ils ont osé quitter leur religion. Et donc, la persécution commence d'abord par de la pression quotidienne au sein de la famille. Pourquoi tu as renié ta religion? C'est la religion de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents. Tu n'aurais jamais dû faire ça. C'est la honte. Et puis, petit à petit, la colère grandit, qui transforme un jour en haine, même au sein de la famille. Et on arrive malheureusement très souvent à une persécution marteau, une persécution violente, et ça peut aller à tout ce qui est écrit à côté de cette violence, malheureusement même dans la famille. Et là, je ne parle pas de ce qui se passe dans les écoles, je ne parle pas de ce qui se passe ensuite au travail, parce que vous avez osé changer de religion. Et puis, c'est dans le village, c'est peut-être les autorités aussi qui vont persécuter, ça dépend des pays. Nous avons un index que nous appelons l'index mondial de persécution. Et donc sur cette carte sont répertoriés les 50 pays les plus persécutés au monde. En rouge, vous avez les pays où la persécution est dite extrême. Dans ces pays, devenir chrétien, c'est risquer sa vie à chaque instant. Parce que le pays où ils sont est très violent. On va dire qu'aujourd'hui, la première source de persécution n'est plus le communisme, mais c'est l'islam, l'islam intégriste. Sur ces 50 pays, 38 sont concernés par l'islam intégriste. Ensuite, on trouve aussi des idéologies. Par exemple, dans le pays numéro 1 que vous avez tous trouvé sur la droite en haut, c'est la Corée du Nord. L'idéologie là-bas, c'est le Dutse. Une idéologie qui dit aussi Dieu n'existe pas. Et le leader au pouvoir s'appelle Kim Jong-un. Et comme tout bon dictateur, il aime bien être adoré, il aime bien être obéi, il aime bien être le premier. Vous comprenez ce qui se passe? Pour lui, Dieu est un concurrent. Et le fait que les chrétiens aiment quelqu'un d'autre que lui, ça pose un problème. En réalité, beaucoup de dictateurs se prennent pour Dieu, en tout cas pour le Dieu de leur pays. Et donc en Corée du Nord, c'est ce qui se passe. Les chrétiens sont considérés comme des ennemis de l'État parce qu'ils osent obéir ou suivre ou adorer quelqu'un d'autre que le leader. Vous connaissez l'histoire de Nebuchadnezzar dans la Bible? Vous avez déjà lu ça? Vous vous rappelez la statue? Et puis Daniel et ses amis qui vont refuser de s'incliner devant cette statue. Eh bien, cette histoire, elle est toujours d'actualité. Elle existe en Corée du Nord. En Corée du Nord, il y a deux statues. Pas de Kim Jong-un, parce qu'il est encore vivant, mais de son père et de son grand-père, le fondateur de cette idéologie. Et tout Nord-Coréen, voire tout touriste qui vient devant ces statues, doit s'incliner. C'est obligé. Alors évidemment, pour les chrétiens, c'est très compliqué à vivre. Et puis, une dernière raison aussi pour la persécution, c'est dans le cercle que vous voyez là, deux pays d'Amérique, le Mexique et la Colombie. Là-bas, ce sont des cartels de la drogue, les mafias, qui persécutent les chrétiens et donc qui imposent leurs règles, leurs lois d'une certaine manière. Ce n'est pas dans les grandes villes que les chrétiens sont persécutés là-bas. Mais c'est dans les régions reculées, là où le gouvernement ne fait pas la loi, mais c'est encore les cartels de la drogue qui font la loi. On va regarder maintenant une vidéo qui nous présente les 5 premiers pays de l'index. Donc, si vous avez bien suivi, c'est les 5 pays où c'est le plus dur au monde pour les chrétiens. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'index mondial de persécution des chrétiens et attire l'attention sur les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Voici les 5 pays où, en 2019, les chrétiens sont le plus durement persécutés. Numéro 5, le Pakistan. Les lois anti-blasphème sont un danger constant pour les chrétiens. Ils peuvent à tout moment être accusés de blasphème contre Allah ou le prophète Mahomet et être condamnés à mort. Les chrétiens sont considérés comme une catégorie inférieure de la population et font l'objet de graves discriminations. Numéro 4. La Libye. Les chrétiens libyens, d'arrière-plan musulman, subissent d'énormes pressions de la part de leur famille et de leur entourage pour retourner à l'islam. Les chrétiens étrangers, pour la plupart des migrants venus d'Afrique subsaharienne et des travailleurs expatriés, sont en danger constant d'être victimes d'enlèvements, d'esclavage, de viols et d'assassinats. Quiconque montre publiquement sa foi chrétienne et tente d'exprimer sa croyance risque d'être arrêté. Numéro 3, la Somalie. La Somalie est considérée comme un État en déliquescence depuis plus de 20 ans. L'environnement anarchique a créé une situation dans laquelle les combattants islamiques radicaux opèrent presque librement. La société est ultra-conservatrice et suppose qu'être somalien signifie être musulman. Par conséquent, quitter l'islam paraît absolument impensable. L'Église officielle a presque cessé d'exister dans ce pays. L'année dernière, de nombreux chrétiens somaliens ont été tués par des combattants du groupe terroriste Al-Shabaab. Toute personne soupçonnée d'avoir quitté l'islam risque d'être assassinée. Numéro 2. L'Afghanistan. En Afghanistan, la vie entière des individus est déterminée par la filiation tribale. Quand quelqu'un quitte l'islam, il est considéré comme un traître. Le simple fait de s'intéresser à d'autres croyances peut être interprété comme une tentative de quitter l'islam et sera puni de mort. Numéro 1, la Corée du Nord. Pour la 18e fois consécutive, la Corée du Nord est cette année encore le pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Le régime du dictateur Kim Jong-un persécute les chrétiens avec détermination et sévérité. Des dizaines de milliers de chrétiens considérés comme des ennemis dangereux de l'État sont emprisonnés dans des camps de travaux forcés. La possession d'une Bible peut être fatale pour un Nord-Coréen et pour toute sa famille élargie. Mais l'Église souterraine continue de croître et contre toute attente, de plus en plus de Nord-Coréens se tournent vers Christ. Derrière les chiffres de l'index mondial de persécution se cache une multitude d'histoires personnelles de chrétiens persécutés. Vous pouvez retrouver ces histoires ainsi que plus d'informations sur les 50 pays de l'index tout au long de l'année sur notre site internet. Alors peut-être vous vous dites, mais il n'y a que des mauvaises nouvelles dans ce monde, surtout pour les chrétiens. Alors j'aimerais vous dire quelque chose. Ça vient d'être dit dans cette dernière parole en Corée du Nord. Le nombre de chrétiens continue d'augmenter, même en Corée du Nord. Ça, c'est la bonne nouvelle. En réalité, partout dans le monde, le nombre de chrétiens ne cesse d'augmenter. C'est surprenant, n'est-ce pas? On pourrait croire que si on nous persécute, il y en aura moins. Eh bien, c'est souvent l'inverse qui se passe. Actuellement, les réveils ou la multiplication des chrétiens ou l'agrandissement des églises n'a pas lieu dans, malheureusement, les pays libres, mais dans les pays persécutés. C'est là qu'il y a le plus de chrétiens. Je voudrais vous raconter un témoignage en Égypte, où j'étais l'année dernière. À la fin de ma visite, la jeune fille qui nous servait de guide, qui avait environ 25 ans, me disait de prier pour eux. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment fait bizarre. Elle m'a dit « Ne prie pas pour que la persécution s'arrête. » Alors je l'ai regardée, j'ai dit « Quoi ? Tu es sûr ?» Elle m'a dit « Oui, oui, ne prie pas pour ça. Prie pour qu'on tienne ferme, mais ne prie pas pour que cette persécution s'arrête. » J'ai dit « Mais pourquoi ?» Elle m'a dit « On ne s'est jamais senti aussi vivant que depuis que nous sommes persécutés. » C'est incroyable, n'est-ce pas ? J'aimerais vous dire, avant de parler de ce qui se passe en Inde, ne croyez surtout pas qu'ici, dans les pays libres, nous sommes épargnés. Ça voudrait dire que le diable n'est pas là en France, n'est-ce pas ? Un peu comme Tchernobyl, vous savez, il se serait arrêté à la frontière. Et puis il aurait dit, bon, je vais laisser un peu les Français tranquilles, les Belges, tout ça. Il y a eu toutes les guerres, Seconde Guerre mondiale, bon, on va les laisser tranquilles, hein, on va les laisser récupérer, puis je reviendrai les embêter plus tard. Vous avez lu ça dans votre Bible, vous ? Non. Il agit partout. Partout, il a des portes d'entrée. Partout, il a des idéologies, des extrémistes qui sont là, qu'il peut inspirer. Mais alors, comment il fait chez nous ? J'aimerais vous demander de vous poser cette question. Comment il fait pour nous persécuter ici ? Il n'utilise pas la violence. Il n'utilise pas les mêmes moyens que dans ces pays. Mais ne vous inquiétez pas. Il est là pour nous persécuter aussi. Et là, il utilise d'autres moyens. Il va utiliser notre confort, notre liberté, notre argent. Il va utiliser nos biens. Il va utiliser tout ça, que ça prenne beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans notre vie. Si bien qu'à un moment donné, Dieu va se retrouver dans un tout petit coin. C'est ce qu'on appelle l'endormissement. C'est une autre forme de persécution. Et vous savez, elle est beaucoup plus efficace que la persécution violente. Parce que l'endormissement nous éteint à petit feu, comme une grenouille dans l'eau qu'on est en train de mettre à bouillir. Alors que la persécution violente a l'avantage que ceux qui sont persécutés savent, ils disent « Ah ok, on sait qu'il est là, on sait qu'il nous veut du mal ». Ils arrivent facilement à identifier le mal. Alors que nous, c'est beaucoup plus difficile. Je me souviens d'une petite histoire, ça m'a marqué. C'était un Américain qui discutait avec un Russe. On va dire un Soviétique. Et le Soviétique disait à l'Américain, « Je ne sais plus comment faire avec les chrétiens. Plus je les persécute, plus il y en a. Est-ce que tu as une solution, toi ?» Il dit, « Oui, moi j'ai une solution. Donne-leur de l'argent. » Donne-leur des maisons, des loisirs, des vacances. Tu verras, ils te laisseront tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que notre confort peut être un danger pour nous. Il faut être prudent. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un en Irak. Il avait tout ce qu'il fallait dans la vie. Il était vétérinaire, il avait de nombreux biens. Il allait à l'église le dimanche et il disait « Je pensais que j'étais un bon chrétien ». Ça nous parle, ça, n'est-ce pas ? Et un jour, l'État islamique est venu dans son pays et il s'est enfui pour sauver sa vie. Mais quand il s'est enfui, il a tout perdu, du jour au lendemain. Et ça, il s'est retrouvé dans un camp avec tous les autres. Plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Et là, il en voulait un peu à Dieu. Il dit, mais comment tu as permis ça ? Il n'était pas content. Mais Dieu ne lui a pas répondu, il l'a laissé mijoter. Et puis, à un moment donné, il est arrivé dans une bonne démarche. Celle de réfléchir en lui-même, vous savez, comme le fils prodigue. Et là, il s'est rendu compte, c'est lui qui le dit, il dit « Je me suis rendu compte que dans mon ancienne vie, je me servais plus de Dieu que je ne servais Dieu. En fait, il s'est rendu compte que donne, il faisait donne, donne, donne, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais lui, il donnait tellement peu à Dieu, tellement peu de temps, tellement peu de ses moyens, tellement peu. Et maintenant, cet homme, il n'a plus rien. Il est dans les camps et je vous assure qu'il a un sourire jusque-là. Et il sert Dieu et il dit, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui me retient. Je sers Dieu de tout mon cœur. Waouh ! Alors moi, je vous laisse juste ça. Est-ce qu'il faut attendre d'être persécuté pour se rendre compte de ça ? Moi, je vous dis non. On peut faire autrement. Il faut simplement prendre le dessus. Il faut se faire violence, comme dit Paul. Dans les pays persécutés, on leur fait violence. C'est pour ça qu'ils sont réveillés. Chez nous, c'est à nous de nous faire violence pour que nous soyons réveillés. Sinon, on va être comme Eutychus au bord de la fenêtre. Vous connaissez cette histoire dans la Bible ? Il était bien installé au bord de la fenêtre et il écoutait, mais bon, il était tellement bien installé qu'il a fini par s'endormir. Et heureusement, Paul était là et l'a ressuscité. On va maintenant parler de l'Inde. Quand je parle de l'Inde, vous pensez à quoi, spontanément ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Les images. Allez-y. Le curry. Les épices. Il y en a une en particulier, elle est jaune. Hein ? Le masala ? Ça, c'est bon, ça. Le safran. Qu'est-ce que vous pensez ? Allez, les filles, dites-moi ce que vous aimez en Inde, tout de suite, là, direct. Allez, dites ! N'ayez pas honte ! Ben voilà, c'est un garçon qui le dit. C'est terrible. Bollywood. Effectivement, l'Inde, c'est tout ça. Et puis, au niveau de la religion, c'est l'hindouisme. Ici, lorsqu'on parle de l'hindouisme, est-ce que vous pensez à une religion violente ? Non. Ici, lorsqu'on parle de l'hindouisme, en Europe, on va dire, on pense plutôt à zen, n'est-ce pas ? Et on va voir que ce n'est pas tout à fait ça. Je vous laisse regarder. L'Inde. Son histoire millénaire, sa culture, sa nourriture, ses paysages, ses couleurs, tout en Inde paraît plus intense pour le touriste occidental. Quand on y va pour la première fois, le choc peut être rude. L'Inde est un pays de contraste. C'est la quatrième puissance économique du monde. Mais la pauvreté extrême y est partout. Des lois progressistes sont votées, mais dans la réalité, c'est toujours le système des castes qui régit la société et les mentalités. Le pays est ouvert sur la scène internationale, mais connaît depuis quelques années un repli communautariste lié à une augmentation du nationalisme religieux qui scande toujours ce même refrain « L'Inde aux hindous ». La situation des chrétiens est très difficile en Inde. Elle varie d'un état à l'autre. Sur les 29 états, 8 ont adopté des lois anti-conversion. En 2008, dans l'état d'Odisha, appelé à l'époque Orissa, une centaine de chrétiens ont été massacrés suite au meurtre d'un leader hindou. Les fondamentalistes s'en sont pris aux chrétiens locaux en détruisant leurs propriétés et les forçant à renier leur foi sous la torture. Lors des émeutes, 6000 habitations de chrétiens et 300 églises ont été pillées puis incendiées. Au total, plus de 56 000 chrétiens ont été déplacés. En 2014, Narendra Modi, leader du parti nationaliste hindou BJP, a été élu à la tête du gouvernement indien. Sous sa politique, les exactions à l'encontre des minorités religieuses sont devenues monnaie courante, impunies et même encouragées. La même année, toujours dans l'état d'Odisha, Mina et Sunita, deux sœurs converties au christianisme, avaient été violemment agressées, chassées de leur village et avaient perdu toutes leurs possessions. Portes ouvertes leur étaient alors venues en aide. Depuis, deux de leurs persécuteurs se sont convertis à Christ à leur tour. Entre 2015 et 2017, la violence contre les chrétiens a été multipliée par 4. Entre janvier et septembre 2018, on estime qu'au moins 578 actes violents de persécution ont été commis contre des chrétiens. Le message des nationalistes est clair. Tout Indien doit être hindou. Ce message crée un sentiment d'injustice et d'exclusion pour les chrétiens, qui pourtant s'investissent dans leur société, créant des cliniques et des écoles, priant pour l'Inde chaque jour. Le programme caché des nationalistes est de nettoyer l'Inde des minorités religieuses d'ici 2021. Ils organisent des garwapsi, qu'on pourrait traduire par « retour à la maison ». Il s'agit de cérémonies organisées dans le but de faire revenir à l'hindouisme ceux qui se sont convertis au christianisme. Pour cela, ils n'hésitent pas à utiliser la menace et la violence. Les actes violents, comme les agressions, meurtres, kidnappings et viols, sont nombreux. Les chrétiens d'arrière-plan hindous subissent également une exclusion sociale quotidienne. Par exemple, on peut leur interdire d'utiliser la pompe à eau de la communauté ou d'enterrer leurs proches dans le cimetière du village. Revenons un peu sur ce qui a été dit. L'Inde est le deuxième pays le plus peuplé au monde, juste après la Chine, donc 1,4 milliard d'habitants. Il faut savoir que c'est la plus grande démocratie du monde par son nombre d'habitants. L'Inde est une démocratie. On peut comparer l'Inde à la France dans le sens que c'est une démocratie. L'Inde connaît une économie croissante où la croissance est l'une des plus rapides au monde. Mais cette nouvelle richesse est mal répartie. Il y a des riches de plus en plus riches et des pauvres toujours aussi pauvres. 65 millions de chrétiens en Inde, l'équivalent de la population de la France. On pense que c'est l'apôtre Thomas qui aurait apporté l'évangile. Il serait d'ailleurs considéré par beaucoup comme le fondateur de l'Église en Inde. Aujourd'hui, la religion majoritaire en Inde, c'est évidemment l'hindouisme, 72% de la population. Ensuite, on trouve l'islam, 14%. Et puis, les chrétiens, 4,8%. 60% de ces chrétiens hindous sont d'arrière-plan hindou. Ils viennent de l'hindouisme la plupart du temps. C'est une démocratie et pourtant, il y a un système qui existe en Inde qui s'appelle les castes. C'est un système ancestral puisqu'il existe depuis 3000 ans. Quelque chose qui est étrange. Écoutez ceci. La constitution de l'Inde interdit les discriminations fondées sur les castes. C'est complètement contradictoire. La constitution de l'Inde, en fait, interdit d'une certaine manière, les castes. Mais pourtant, c'est ça qui régit toute la société en Inde. Il y a donc 4 castes. Et puis en bas, il y a les hors-castes, les intouchables, les Dalits. Dalit, ça veut dire piétiner. À ceux-là, on confie les tâches les plus sales, les plus dangereuses, les plus ingrates. Les intouchables sont les plus pauvres, les plus démunis, les moins éduqués. Pourtant, toute la société indienne, tout le travail repose sur eux. Il y a bien des lois qui essayent de les protéger, mais en réalité, ça ne fonctionne pas. 80% des chrétiens sont issus de ces castes, de cette caste inférieure. Ça veut dire que dans l'Église, 80% des personnes viennent de cette caste inférieure. et on verra tout à l'heure pourquoi. La persécution est en hausse depuis 2014, très fortement en hausse. Pourquoi ? 2014, ça correspond à l'arrivée au pouvoir d'un parti d'extrême droite, le BJP, un parti nationaliste extrémiste. Vous avez peut-être remarqué, l'Inde est dixième maintenant dans le classement mondial de la persécution. Dixième. Vous vous rendez compte, une démocratie qu'on retrouve dixième des pays les plus persécutés au monde. Alors une démocratie, ça ne nous protège pas nécessairement. Ça dépend des gens qui sont au pouvoir. Tout à l'heure, on discutait élection avec les jeunes filles qui étaient devant là-bas. Et on pense qu'une démocratie, c'est éternel, que ça durera toujours. Non, non. Une démocratie, ça ne peut fonctionner que si les gens qui sont au pouvoir ont envie qu'on vive dans une démocratie. En Inde, on est dans une démocratie, mais ceux qui sont au pouvoir sont des extrémistes. C'est l'extrême droite. Et eux, ils disent un pays, une religion. Pas deux, pas trois, mais une religion. C'est l'hindouisme. Ça veut dire que tous les autres n'ont plus leur place en Inde. Voici les États, puisque l'Inde est constituée d'un ensemble d'États. Voici les États qui sont les plus concernés. Vous avez compris avec la vidéo que ça se passe plutôt au nord. Ce n'est pas pareil partout. Il y a des États où ça se passe relativement bien, mais il y a des États où c'est très violent. L'homme qui est au pouvoir s'appelle Narendra Modi. Vous le voyez ici dans le médaillon. Et l'idéologie qu'il propose, qu'il soutient, s'appelle l'Hindutva. Ils essayent par tous les moyens de mettre cette idéologie en place. On peut résumer cette idéologie de la façon suivante, en ce qui concerne les chrétiens, qui ont quitté l'hindouisme, ils doivent se reconvertir à l'hindouisme ou être éliminés. C'est l'Inde aux hindous. Ou encore, pour citer leurs propres mots, c'est purger l'Inde de toute expression étrangère. Leur programme, c'est créer un État exclusivement hindou. Ça n'empêche pas les hindous de se convertir au christianisme. On va même dire que depuis qu'ils sont au pouvoir, ça a fortement augmenté. Ils sont passés de 59 millions à 65 millions pendant cette période. L'Hindutva perçoit les chrétiens comme des taches sur l'Inde. Ils estiment qu'il faudrait les éradiquer du pays. Et c'est la même chose aussi pour les musulmans. Pourquoi ils veulent faire ça ? En réalité, ce qu'ils ne disent pas derrière, c'est qu'ils veulent préserver le système des castes, ce système pyramidal, parce que tous ceux qui sont au pouvoir font partie souvent des castes supérieures. Et ils savent bien que s'il y a de plus en plus d'Indiens qui deviennent chrétiens, avec les valeurs du christianisme, ce système de castes va se fissurer. Il va même peut-être disparaître. Et ça, ils n'ont pas du tout envie parce que ça voudrait dire perdre leurs privilèges. Narendra Modi est pourtant très populaire, que ce soit dans son pays, mais aussi à l'international. Il jouit d'une image moderne, mais malheureusement, peu savent qu'il est aussi l'artisan d'une grande impunité face à la violence contre les minorités en Inde. Ici, vous avez les États qui ont déjà voté des lois anti-conversion. Vous vous rendez compte, c'est une démocratie et on vote des lois anti-conversion. En réalité, on n'applique pas la constitution du pays puisqu'on dit « Non, non, dans mon État, pas de liberté de religion. Si tu es hindou, tu restes hindou toute ta vie. » Le BJP voudrait étendre ça à tout le pays. Mais heureusement, dans chaque État, il y a certainement un gouverneur, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais en tout cas, qui n'est pas forcé d'appliquer. Tout à l'heure, vous avez entendu, effectivement, qu'en 2021, ils ont décrété qu'en 2021, il ne devrait plus y avoir ni musulmans, ni chrétiens en Inde. Ils ont une méthode pour ramener ceux qui ont quitté l'hindouisme. Ça s'appelle le garwapsi. C'est joli, quand on traduit, ça veut dire retour à la maison. En réalité, ce que ça cache, c'est des méthodes d'oppression, de pression, de corruption, violente aussi, pour que ceux qui ont quitté l'hindouisme reviennent dans la religion hindoue. Et pour être sûr qu'ils sont bien revenus dans la religion hindoue, ils leur font boire un breuvage à base de bouse de vache. Vous savez que la vache est sacrée. Et lorsqu'on boit ce breuvage, ça veut dire qu'on est revenu à l'hindouisme. C'est comme dans l'islam, lorsqu'on vous fait réciter la shahada, ça veut dire que vous êtes devenu musulman. Alors pour les chrétiens, c'est très difficile de résister. Vous savez pourquoi ? Parce que lorsque on est persécuté, et ça c'est valable partout dans le monde, en général, vous êtes aussi persécuté au travail. Et il arrive fréquemment que parce que vous êtes devenu chrétien, vous allez perdre votre travail. On va vous licencier, parce que vous êtes devenu chrétien. Licenciement, ça entraîne derrière une situation pour toute la famille. Plus de revenus, les enfants ils sont certainement persécutés aussi à l'école. Peut-être vous allez perdre votre maison parce qu'au village on ne veut plus de vous et puis parce qu'en plus vous ne pouvez plus payer les loyers. Donc malheureusement, dans très très nombreux cas, la persécution amène les chrétiens dans une situation précaire. Et ici, avec cette méthode, on leur promet souvent en plus de l'argent. Si tu reviens à l'hindouisme, tu vas récupérer tout ce que tu avais perdu et en plus on te donnera de l'argent. Vous imaginez si vous êtes père de famille, vous avez des enfants à nourrir et vous n'avez plus rien ? Est-ce que vous tenez bon ? Ou alors vous lâchez prise et vous dites « Non, tant pis, je laisse tomber. » On va voir que ces chrétiens, ils tiennent bon. Ils sont forts. On va voir dans la vidéo qui suit plusieurs témoignages de gens dont Dieu a touché la vie. J'étais dépressif, je n'avais pas d'emploi. Je me suis dit que si je n'arrivais pas à trouver du travail, je me suiciderais. Mais ma petite sœur m'a appelé et m'a invité à l'église. Quand j'y suis allé, je n'ai pas du tout compris le culte. Je suis quand même revenu le dimanche suivant et j'ai entendu le verset de 1 Corinthiens 3:16 qui dit que notre corps est le temple de Dieu. J'ai réalisé que je devais utiliser mon corps pour Dieu. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à croire en Jésus. J'ai réalisé à quel point ma vie était horrible. Je buvais, je me droguais, je criais sur ma mère. Mais quand j'ai accepté Christ, ma vie a changé. J'ai décidé de vivre dans la vérité. Dieu a commencé à faire des miracles à travers ma vie. Les gens venaient me voir pour être guéris miraculeusement et ils se convertissaient. Je faisais partie d'un groupe terroriste rebelle. Je faisais du mal aux chrétiens à cette époque. J'ai été arrêté par la police et jeté en prison pendant 18 mois. Après ma sortie de prison, j'ai fait de la sorcellerie et suivi d'autres dieux, toutes sortes de croyances religieuses. Quand mon fils est tombé malade, je me suis rapproché de la foi musulmane pour qu'un imam prie pour lui. Mais il est mort. Et puis j'ai rencontré un pasteur qui m'a dit « Tu vas à tous ces endroits, mais est-ce que tu y trouves vraiment la paix ?» Puis il m'a expliqué que quand on croit en Jésus, on n'a pas besoin d'aller dans tous ces endroits et de prier tous ces dieux. Tout ce dont on a besoin, c'est de croire en lui et cela suffit. Et puis je suis tombé malade. Le pasteur a prié pour moi et m'a fait l'onction d'huile. Et en une semaine, j'ai été guéri, complètement guéri. J'ai alors commencé à aller à l'église. Le pasteur m'a expliqué comment vivre une bonne vie, laisser derrière ma mauvaise vie et suivre Jésus. J'ai appris petit à petit à connaître Jésus-Christ. Quand mon fils est tombé malade, j'étais chrétienne, mais je cachais ma foi à cause de toutes les persécutions. J'ai alors décidé que je meure ou que je vive, je serai avec Christ. J'ai confessé ma foi. J'ai prié pour mon enfant. À ce moment-là, il était prêt de mourir. Mais je suis restée ferme dans la foi en priant. Et ainsi, de son lit de mort, il est revenu à la vie. Dieu l'a sauvé. J'ai décidé que je ne reviendrai jamais en arrière dans ma foi. Quoi qu'il arrive, je suivrai Dieu jusqu'à la mort. Puis mon fils a guéri et il est sorti de l'hôpital. Mes anciens amis ont commencé à se moquer de moi en disant « Qu'est-ce que tu as comme pouvoir de guérison? Tu es un charlatan. Tu trompes les gens pour avoir leur argent. » Mais je n'y faisais pas attention. Je fais juste ce que Dieu me demande de faire. Je leur ai dit que je ne faisais pas ces miracles pour me faire bien voir, ni pour gagner de l'argent. C'est le ministère que Dieu m'a donné. C'est Jésus-Christ qui a la première place dans ma vie. Avant que la persécution ne commence, je priais Dieu un lundi matin et il m'a dit que des difficultés allaient arriver dans ma vie. J'ai pleuré et j'ai prié à ce sujet. J'ai dit à Dieu, « Je te soumets ma vie, Seigneur. Je passerai par là où tu voudras me faire passer. » Après avoir été guéri, mon fils allait bien. Il jouait, il allait au marché avec moi. Mais plus tard, il est retombé malade. Je l'ai emmené dans plusieurs hôpitaux, mais personne de ma famille ou parmi mes voisins ne m'a aidé. Il est mort en 2016. Ma belle-famille me tient responsable de la mort de mon mari et de mon fils. Mon beau-père me dit, « Si nous avions amené l'enfant à un sorcier ou à un temple, il aurait été sauvé. Mais à cause de ton entêtement, il est mort. » Tous les jours, il me harcèle et me blâme. Les gens de mon village et ma famille remettent en question ma foi. Ils disent, « Pourquoi crois-tu en Christ? Qu'est-ce que cela t'apporte ? Ce n'est pas notre religion. Notre religion, c'est l'hindouisme. Ceux qui adhèrent à la religion chrétienne sont méprisés. Ce sont des intouchables. Ils me menacent et me persécutent. » Les villageois se sont rassemblés, nous ont fait venir, nous les chrétiens, et nous ont dit, « Puisque vous êtes devenus chrétiens, vous ne pouvez plus rester dans le village. » Ils nous ont entourés, ils étaient armés de bâtons et nous menaçaient. Alors, nous sommes partis. Depuis, nous restons hors du village, dans mon champ. Nous sommes 21 personnes à vivre là. Je suis devenu le leader. Je conduis la louange et la prière. Les villageois ont vu que je continuais de pratiquer ma foi. Alors, ils ont contacté les membres du groupe rebelle auquel j'appartenais et leur ont dit que j'étais un espion pour la police. Ils ont failli m'assassiner à cause de cela. Alors, je me suis rappelé... du psaume 50, verset 15. « Si tu fais appel à moi au jour de la détresse, je te délivrerai. » Je me suis aussi rappelé du verset qui dit que des milliers se dresseront contre toi, mais ils ne pourront rien te faire. J'ai mémorisé ces versets que mon pasteur m'avait appris et je me les rappelais dans cette situation. Le chef des rebelles m'a dit « Tu peux continuer à vivre ta nouvelle vie si tu arrêtes de suivre Jésus. » Mais quand on suit Jésus, on ne peut pas revenir en arrière, car Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors le chef m'a dit « Ok, tu peux suivre Jésus, mais ne le prêche pas aux autres. » 50 personnes sont arrivées et ont entouré mon église. Ils nous ont menacés et nous ont traînés au poste de police. Les policiers nous ont maltraités pendant des heures. Ils nous ont gardés 4 jours en prison, ce qui est illégal. Mais nous, nous prions et chantions des cantiques. Les policiers étaient en colère et nous disaient d'arrêter. Mais nous avions la joie dans notre cœur et nous avons continué à chanter. Les gens étaient surpris. Comment des personnes en prison pouvaient rire et sourire comme ça? Il est écrit, « Vous serez persécutés à cause de mon nom. Mais quand cela arrivera, ne soyez pas tristes, mais réjouissez-vous. » C'est pour ça que dans cette prison, nous étions joyeux. Dieu avait mis sa joie dans notre cœur. Quand il se moque de moi, je me rappelle la parole de Dieu et je sais que mon fils est en vie. Il ne me sera pas rendu, mais un jour j'irai vers lui. Je reste patiente et je continue à croire. Je sais que ces gens ne sont pas croyants, c'est pour ça qu'ils disent ces choses. Je sais que le corps de mon fils se décompose dans la terre, mais son âme est au ciel. Je remercie Dieu pour sa parole. Les gens du village ont beaucoup de difficultés, mais ils ne comprennent pas qui est Dieu, ils ne le connaissent pas. Je n'éprouve pas de haine envers eux, je prie pour eux, je dis à Dieu, « Puisque tu m'as choisi, choisis-les aussi. » Je ne suis pas en colère contre ceux qui m'ont faussement accusé, parce que je me dis, « Comment était ma vie avant que je rencontre Dieu ? Horrible. Mais Dieu m'a amené jusque-là. Maintenant, je souffre pour lui. Donc, ce n'est pas un problème pour moi. C'est juste une partie de ma vie. Jésus est mort sur la croix pour moi et m'a donné sa vie. Alors, ce que je fais, moi, ce n'est rien. C'est un travail tout simple. La souffrance fait partie de ma vie. Et pour moi, c'est un privilège. Je remercie Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, moi je vais vous lire les versets 20 à 24, ici vous avez le verset central, que chacun demeure dans la situation qui était la sienne lorsque Dieu l'a appelé. C'est Paul qui parle ici. Il dit, étais-tu esclave lorsque Dieu t'a appelé ? Ne te fais pas de soucis à ce sujet. Mais si tu peux devenir libre, alors profites-en. Car un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Et de même, l'homme libre que Dieu a appelé est un esclave du Christ. C'est à un grand prix que vous avez été racheté. Alors ne devenez pas esclave des hommes. Frères, que chacun reste devant Dieu dans la situation où il était lorsque Dieu l'a appelé à venir à lui. En tant qu'occidentaux, on pense souvent que si un intouchable, un Dalit, devient chrétien, alors il n'est plus un hors-caste. Il devient, peut-être, quelqu'un qui n'est plus esclave. Ce n'est pas le cas. Dans la société indienne, même si un hors-caste, un Dalit, devient chrétien, il restera un intouchable. Alors on peut se poser la question... Mais qu'est-ce qu'ils gagnent, ces Indiens, à devenir chrétiens ? Évidemment, la position sociale, ça a une importance. Je ne vais pas le nier ce matin. D'ailleurs, Paul ne dit pas que les esclaves doivent obligatoirement rester esclaves des hommes. Il le dit. Si vous pouvez sortir, alors profitez-en. Mais si vous relisez la lettre de Paul à Philémon, vous comprendrez que Paul ne prône pas un mouvement de libération directe de l'esclavage humain, mais il sait qu'en recevant l'évangile, Philémon, qui était un maître, qui avait un esclave, va changer d'attitude vis-à-vis de son esclave, Onésime. Paul veut que ce soit un acte volontaire. Il veut que ce soit Philémon qui change de l'intérieur. L'évangile, c'est une puissance qui sape tout esclavagisme. Pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, pour entraîner son abolition. Pendant un temps, je me rappelle quand j'étais plus jeune, à l'église, on disait souvent que l'esclavagisme qui règne chez nous en Europe, c'est l'alcool, le tabac, etc. Je pense que ça a changé. Je ne dis pas que ça a disparu, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des esclavagismes encore plus forts. Je pense que le diable a développé ses armes. Je pense qu'aujourd'hui, la drogue et la pornographie est devenue beaucoup plus puissante que ça. Et vous savez, les jeunes, de quoi je parle. Même si l'évangile ne change pas la condition sociale des intouchables, en tout cas, il détruit la chape de plomb millénaire du système des castes qui leur dit « tu es un intouchable, tu es un Dalit, tu es un piétiné, tu es un paria, tu n'as aucune valeur à nos yeux, tu n'es rien pour nous puisque tu es un hors-caste ». C'est ça que leur dit la société. Et vous savez, c'est aussi ce que nous dit le diable à nous. Lorsque nous vivons dans le péché, il nous dit, tu vois, tu n'as aucune valeur. Tu vois ce que tu fais là derrière ton ordinateur ? Tu n'as aucune valeur. Tu ne vaux rien. Tu es un misérable. Tu ne mérites pas de vivre. C'est ce que nous dit le diable à chaque fois que nous commettons le péché. La vraie liberté, Ce n'est pas une question de condition sociale. Christ nous fait prendre conscience que la vraie liberté n'est pas une question de condition sociale, de santé, de pays où l'on vit, ni même de constitution. C'est une question de cœur. Et là, nous sommes tous égaux. 2 Pierre 2,19 dit « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Quelle que soit la nature de notre péché, nous sommes esclaves de celui-ci. Et par conséquent, nous sommes esclaves du diable, qui est le père du péché. Jean 8,36 dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. » Christ est mort sur la croix pour me rendre libre. Et les Dalits l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils ne sont même plus attachés à leur propre vie. Leur liberté n'est pas dans leur confort ou dans leurs conditions sociales, mais en Christ. Alors je vous pose la question, qu'en est-il de votre vie ? Vous vivez peut-être dans un pays libre ? Vous vivez dans une nation où on ne vous embête pas parce que vous êtes chrétien, mais est-ce que vous êtes réellement libre? Et là, je parle de la condition intérieure, pas de la surface. Est-ce que je suis devenu esclave de la justice de Dieu? Qu'est-ce qui triomphe de moi? Est-ce que c'est Christ ou c'est encore les valeurs de ce monde? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est Satan? Quelle est ma vraie identité? Pas celle que je montre à mes copains ou à mes copines. Ça, c'est la surface. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Jean 8, les versets 31-36, dit « Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Nous, répondirent les Juifs, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Waouh ! Les gars, ils ont la mémoire courte quand même, non ? Les Juifs n'ont jamais été esclaves de personne. Waouh ! Ils ont oublié l'Égypte quand même. L'Égypte, ça a duré combien de temps ? 400 ans. Ils ont été esclaves des Égyptiens pendant 400 ans et ils osent dire à Jésus « Nous n'avons jamais été esclaves de personne. » Comment tu peux dire « Vous serez des hommes libres ?» Et Jésus répond « Oui, je vous l'assure. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, oui, en fait partie pour toujours. Si donc le Fils qui vous donne la liberté vous affranchis, vous serez réellement des hommes libres. Donc, seul Jésus me donne la vraie liberté. Peut-être que tu crois que tu es libre parce que tu vis dans un pays libre, mais en réalité, tu sais au fond de toi-même que tu es toujours esclave. Et là, vous vous dites, mais il parle à des chrétiens. Non, je vous assure que ça existe, même parmi les chrétiens. On peut être chrétien. Je n'irai pas jusqu'à dire juste en surface, parce que je crois qu'il y a quand même quelque chose dans votre cœur, dans notre cœur. Mais malheureusement, on peut rester prisonnier de quelque chose qui nous fait souffrir. Peut-être que même vous êtes encore plus prisonniers qu'ils le sont eux-mêmes. Pour Dieu, la prison, c'est d'abord celle de la condition de l'âme, avant celle de la condition humaine. C'est pourquoi dans notre première lecture, l'apôtre Paul peut dire que l'esclave et le libre sont égaux en Christ. Parce que leur identité n'est plus déterminée par le système des castes humaines, mais par l'appartenance à une caste divine. Celle-ci, elle est commune aux riches, aux pauvres. C'est celle des serviteurs de Christ. Alors, le seul moyen d'être libre de l'esclavage, c'est de connaître la vérité de Jésus-Christ. Et j'y ajouterai, et de la mettre en pratique. Parce que notre problème à nous en tant que chrétiens, il est souvent celui des pharisiens. Vous savez ce qu'était le problème des pharisiens ? Est-ce qu'ils ne connaissaient pas la parole de Dieu ? Bien sûr qu'ils connaissaient la parole de Dieu. Leur problème à eux, c'est qu'ils ne la mettaient pas en pratique. C'est ce que Jésus va expliquer dans la parabole du fou et du sage. Tous les deux connaissaient, mais il y en a un qui ne mettait pas en pratique, c'est le fou. Et je crois que malheureusement, certains d'entre nous, nous sommes fous parce que nous connaissons la Bible, mais nous ne la mettons pas en pratique. Alors, à la différence du diable, j'aimerais vous dire, de la part de Christ, vous avez de la valeur. Vous avez énormément de valeur. La parole de Dieu vous dit que vous avez été choisi pour porter du fruit. Elle vous dit encore que vous êtes le temple de Dieu. Vous avez vu ce qu'a dit ce monsieur au départ dans son témoignage ? Je me suis rendu compte que mon corps appartenait à Dieu et que je ne pouvais pas en faire n'importe quoi. Je suis un ministre de la réconciliation pour Dieu, nous dit 2 Corinthiens. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, nous dit Éphésiens. Je suis l'ouvrage de Dieu. Je peux m'approcher de Dieu en toute liberté et avec confiance. Je peux tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Alors ce matin, je conclus simplement en vous disant, ne laissez pas le diable vous dire que vous n'avez aucune valeur parce que vous restez attaché ou dépendant d'un péché. Mais apportez ça à Christ, mettez sa parole en pratique et il vous délivrera. On va terminer par la prière. Et ensuite, je vous montrerai une vidéo qui nous dit de prier pour l'Inde. Seigneur Jésus, bénis nos cœurs, bénis ta parole dans notre cœur. Que cette semence porte du fruit, qu'elle ne reste pas une petite graine, mais qu'elle devienne une plante, qu'elle devienne un fruit dans notre vie. Seigneur, je prie pour que ta parole fasse son effet, produise son effet. Je prie pour que vraiment ta parole change nos vies, transforme nos vies et fasse de nous des hommes libres, des femmes libres. Seigneur, tu ne nous as pas créés pour être dépendants. Tu ne nous as pas créés pour être des esclaves de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, mais que tu veux que nous soyons des hommes libres. Alors je prie pour que cette parole s'accomplisse dans nos vies. Amen. Au cœur des atrocités, quand les gens autour de vous ont trop peur pour vous soutenir, c'est un merveilleux réconfort de savoir qu'il y a des personnes, des églises qui prient pour vous, qui ne vous connaissent pas, qui ne savent pas grand-chose de vous, mais qui prient quand même pour vous. En Inde, dans une période de forte opposition contre les chrétiens, ces derniers ont plus que jamais besoin de notre soutien. Voilà pourquoi nous avons lancé la campagne Impact Inde. Son objectif est de venir en aide aux chrétiens indiens en doublant notre impact sur le terrain. Nous voulons équiper l'Église indienne et la préparer à faire face à la persécution grandissante. Dans ce contexte si difficile, il est crucial que les chrétiens aient une spiritualité solide, fondée sur la Bible. Les formations de pasteurs et de responsables d'Église, les séminaires de préparation à la persécution, les cours bibliques et théologiques sont autant de ressources pour les aider à mieux supporter la persécution. Nos partenaires locaux se déplacent dans tout le pays, malgré le danger, pour rencontrer les victimes de persécution et leur apporter une assistance juridique, ainsi qu'un soutien spirituel, médical et matériel. Nous accompagnons les gens pour les aider à survivre dans ces moments de crise, de précarité, de torture, de persécution, toutes ces attaques, gérer leurs émotions, leurs traumatismes. Le fait que Portes Ouvertes les soutienne, les aide, soit à leur côté dans les situations difficiles, les réconforte, les encourage à travers nous, cela n'a pas de prix pour les chrétiens persécutés d'Inde. C'est tellement important, c'est fantastique. Le soutien que Portes Ouvertes apporte aux croyants est extrêmement précieux, vital même. Notre objectif est également de vous informer de ce qu'il se passe en Inde, de vous sensibiliser à la situation de vos frères et sœurs, pour que vous puissiez leur apporter votre soutien et surtout vos prières. Oui, bien sûr, la persécution augmente, mais le nombre de croyants aussi. Ils sont prêts à faire face au défi de la persécution. Vos prières ont donné aux églises la force de résister. En novembre 2018, nous avons lancé une campagne de prières de 40 jours pour l'Inde. Un des sujets était la situation politique du pays, étant donné les prochaines élections régionales qui allaient avoir lieu un mois plus tard dans trois états de l'Inde. Tout semblait indiquer que le BJP, le parti pro-hindou au pouvoir, allait gagner. Nous n'avons pas compris ce qui s'est passé quand les résultats ont été annoncés le 11 et le 12 décembre 2018. Le BJP a essuyé une défaite humiliante, ce qui était quasiment impossible. Quand on a vu ce qui s'est passé, nous avons su que c'était l'effet de la prière. Dieu avait agi parce que la communauté chrétienne souffrait beaucoup dans ces états. Je voudrais vous remercier, vous, peuple de France, d'avoir prié pour nous. Vos 40 jours de prière ont changé 35 ans d'histoire en Inde. 35 years history in India. Cette année, des élections présidentielles vont avoir lieu. Le résultat de ces élections est un enjeu capital pour les minorités religieuses. Prions pour un changement au niveau du gouvernement. À vous qui nous soutenez, je voudrais dire que sans votre action, le ministère auprès de l'Église persécutée ne serait pas possible en Inde. Nous avons pour ambition de doubler notre impact pour porter encore plus de fruits. Merci du fond du cœur pour votre soutien et votre générosité. Thank you. Voilà ce que je pouvais dire sur l'Inde. Il faut continuer de prier parce que les élections ont lieu en ce moment même et il semblerait que le BJP est en tête. Donc il faut prier parce que si le BJP est à nouveau en tête, c'est encore 5 ans de persécution pour les chrétiens. Et donc il faut vraiment prier. Et puis pour terminer, je vous encourage tout à l'heure à venir à mon stand. Il y a des livres et puis il y a toutes sortes de moyens de nous aider. Et puis un très très bon moyen de nous aider, c'est de vous abonner à ce magazine papier. Donc c'est un mensuel. Pour 11 euros par an, vous êtes abonné. Et l'utilité de ce magazine, c'est de vous informer, mais aussi de vous faire prendre conscience de tout ce qui se passe, même ici en France, et de prier, d'intercéder, et de vous faire du bien à votre foi, de fortifier votre propre foi, de relativiser peut-être vos propres problèmes. Et donc, je vous invite à vous abonner en même temps. Sur la table, il y a des bulletins d'abonnement. Vous facilitez la vie. J'ai aussi un lecteur de carte bleue. Voilà, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre écoute.